Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mag un peu particulier. Et oui, aujourd'hui on mêle les planches à nos micros pour une édition croisée avec Théâtral, etc. Votre rendez-vous consacré au théâtre sur Radioactive. Direction le Théâtre Beaumarchais d'Amboise qui a accueilli la toute première édition du Festival de Théâtre Amateur Carte Blanche les 7 et 8 juin derniers. Deux jours de représentation, de rencontres, d'improvisation, d'écriture, mais surtout de passion portée par des troupes locales et régionales. Un événement placé sous le signe du partage, de la créativité et de la convivialité. Et pour ouvrir ce festival, c'est un atelier d'écriture qui a été proposé aux amateurs éclairés ou débutants curieux. Et c'est Stéphane Hervé, comédien, qui a animé cet atelier. Et on écoute tout de suite Catherine sur cette interview. Je suis accompagnée de Stéphane Hervé, auteur, comédien et metteur en scène, qui a animé le stage d'écriture proposé par la ville d'Amboise. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la restitution des textes qui ont été écrits pendant ce stage. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, alors ce premier stage, comment s'est-il passé ? Eh bien super, il s'est super bien passé. C'est un stage qui s'est déroulé sur toute la saison 24-25. Je crois qu'on a démarré à l'automne et on est en train de terminer aujourd'hui avec les restitutions des textes, de certains textes en tout cas. Et c'était très vivant, très touchant, très généreux. J'ai travaillé avec une dizaine de personnes, habitants et habitantes d'Amboise, qui se sont livrées à l'exercice de l'autofiction au théâtre, c'est-à-dire comment on peut raconter des histoires sous forme théâtrale, donc avec des dialogues, des monologues, des scènes collectives, à partir de souvenirs, d'anecdotes personnelles, de récits parfois intimes, de mélanger avec de l'imaginaire, avec de l'invention, souvent apportée par les autres, et qui donnent lieu à des productions qui sont des textes de théâtre. Oui, et alors je crois que le titre du stage, c'était « Et si ». Alors pourquoi « Et si » ? Voilà, et bien justement, c'est la technique qui a été employée le plus souvent, à partir d'une première épreuve de texte, une première proposition, de mettre à contribution les autres membres du groupe pour qu'ils proposent, suggèrent des « Et si ». Et si ton personnage était une femme ? Et si ton personnage avait 4 ans et non pas 76 ? Et si on était à une autre époque que la nôtre ? Et si cette rencontre n'avait jamais eu lieu ? Et si l'accident avait été un autre événement ? Et à partir de là, l'autrice ou l'auteur s'empare du « et si » qu'il ou elle veut et raconte une autre histoire que celle qui était prévue initialement. Donc oui, en fait, ça permet de mélanger réalité et fiction. Ça permet de mélanger réalité et fiction et aussi de développer l'imaginaire. En fait, il y a des essais qui sont proposés par d'autres que soi qui nous relancent, qui nous redonnent de l'inspiration, qui nous donnent de l'envie. C'est aussi une manière de créer de la création collective, c'est-à-dire que chacun peut intervenir dans l'histoire de l'autre et amener un petit ingrédient qui parfois peut tout changer en fait. Et alors vous faisiez ce stage, je crois, dans le cadre d'une résidence, ouais. Hein, c'est en partenariat avec la ville d'Amboise, parce que vous travaillez sur un projet personnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre projet ? Je vais essayer. Oui, il y a un projet d'écriture, enfin c'est plus qu'un projet maintenant, parce que j'arrive un peu à la fin de l'écriture d'un texte théâtral, ça ne surprendra personne, qui est une autofiction. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur des choses qui me sont arrivées ou qui m'interrogent et je les ai mélangées avec de l'imaginaire, avec de l'invention, avec des choses qui ont été observées dans d'autres vies que la mienne. Et avec tout ça, j'écris un spectacle autour du vertige de la paternité. Voilà, avoir des enfants, pas avoir d'enfants, quand on en a, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut être un bon parent quand soi-même on a peut-être souffert de sa condition de fils ou de fille ? Toutes ces questions-là autour de la filiation, de la transmission, de la parenté ou de la non-parenté d'ailleurs. Et alors, sa représentation est prévue pour quand ? Alors la première de ce spectacle qui est en train de se finir d'écrire, c'est en mars 2026. Donc là, les prochaines échéances, c'est des lectures de ce texte à Avignon, du texte que je suis en train de finir d'écrire, et ensuite des répétitions pour arriver à une première représentation publique en mars 2026. D'accord. Et alors, pour revenir au stage que vous avez animé, donc aujourd'hui, il y a la restitution de certains textes. Alors, est-ce que ce sont ceux qui ont écrit qui lisent les textes ? Alors, c'est parfois celui ou celle qui a écrit le texte qui lit son texte. C'est parfois des textes dialogués, donc qui impliquent plusieurs personnes pour le lire. Et du coup, quelqu'un peut se retrouver à lire le texte de quelqu'un d'autre. Tout est possible, il y aura des monologues, des dialogues, des scènes avec plus de personnages encore. C'est des extraits, c'est une sélection de textes qui a été faite à partir de beaucoup de textes qui ont été produits pendant ces 6 mois. Et ce qui me paraît intéressant de dire, c'est que écrire du théâtre, c'est super, et c'est toute une, c'est un registre particulier d'écrire du théâtre. Il faut arriver à beaucoup d'oralité, à faire parler des personnages, à les faire dialoguer parfois, ou à donner accès pour un auditoire à une pensée intérieure. Et je trouve particulièrement intéressant qu'on aille jusqu'au bout de la logique, que ce soit pas simplement des textes qui ont été produits et qui vont finir dans un livre. C'est super les livres, évidemment. Mais le théâtre, c'est fait pour être joué, c'est fait pour être dit, c'est fait pour être vu et entendu. Et donc, je suis vraiment enchanté qu'on ait réussi à arriver jusque-là, c'est-à-dire à s'emparer demi-douzaine de textes et avec un petit peu de travail théâtral, d'arriver à les jouer, à les faire entendre par le public. Oui, et maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en scène complètement. Oui, ouais, bah après, tout est possible. Là, c'est comme si c'était une première maquette qu'on montrait au public. Et si ça nous donne envie, on pourrait éventuellement aller plus loin, c'est sûr. Alors, si vous aviez des conseils à donner, par exemple, pour des jeunes qui veulent faire du théâtre ou qui veulent écrire, ou pas forcément que des jeunes d'ailleurs, hein, c'est à tout âge qu'on peut écrire et faire du théâtre, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors c'est sûr que c'est à tout âge, parce que là, par exemple, pour l'atelier qu'on a mené là à Amboise, je pense que c'était de 30 à 80 ans, si j'ai bien compris. Et ça, je trouve ça très émouvant, formidable. Quel conseil je pourrais donner ? Je crois que le maître mot, c'est d'oser. Il y a toujours une petite peur, une petite inhibition, on n'ose pas y aller, on se dit qu'on n'a rien à dire, que c'est pas intéressant, qu'on va pas y arriver, qu'on n'a pas le temps, etc. Et en fait, il y a un moment où il faut se lancer, il faut oser, il faut le faire, il faut produire, en se disant que de toute façon, ça sera peut-être génial tout de suite, mais peut-être pas, et que c'est pas grave, que tous les grands écrivains revoient leur copie 1 million de fois pour essayer d'arriver à quelque chose qui leur convient. Et je crois qu'au final, on est toujours content de faire ça. Je connais personne qui a osé le faire, qui est ressorti en étant moins bien. Je connais que des gens qui se sont sentis mieux derrière. Et surtout, on pense qu'on n'a rien à dire et que de parler de soi, c'est pas très intéressant, souvent. Sauf certains arrogants, mais globalement quand même, hein, c'est ce qu'on pense a priori. Et en fait, dès qu'on parle de soi avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité, on parle à tout le monde. Oui, en fait, on aide les autres. Je pense que c'est un acte très généreux d'écrire. Je pense que c'est un acte très... Ouais, je pense ça. Alors, c'est pas très humble de ma part de dire ça, parce qu'il se trouve que j'écris. Mais je pense que c'est vraiment une manière de faire le cadeau de quelque chose aux autres et de se connecter aussi aux autres. Et pour dire des choses que parfois on n'a pas la place ou le courage ou le temps de dire dans la vraie vie. On peut vivre au théâtre 1000 vies. On peut dire je t'aime 1000 fois, on peut mourir, on peut vivre des expériences qu'on ne peut de toute façon pas vivre dans la vraie vie. Donc rien que pour ça, franchement, on aurait tort de s'en priver. Et alors pour conclure, qu'est-ce qui vous anime dans le théâtre ? Waouh ! un peu ce que je viens de dire en vrai, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un qui peut avoir des difficultés, malgré les apparences d'ailleurs, à être vraiment en lien pour tout un tas de raisons. C'est pas de la psychanalyse, hein, c'est comme ça, je suis timide, allez, soyons simples. Le théâtre, ça me permet de faire rire, ça me permet de dire des choses que j'ai au fond de moi et que j'ai du mal à dire dans la vraie vie. Ça me permet de, quand je crée, alors c'est Camus qui disait ça, quand on crée, on vit deux fois en fait. Il y a la vraie vie et puis il y a tout l'imaginaire qui se met en branle, les personnages avec lesquels on vit, des phrases qui nous restent, les autres auteurs qui nous nourrissent. Et ça, c'est absolument passionnant, d'élargir sa vie, de la multiplier par deux. C'est passionnant. Merci Stéphane. Avec plaisir. Parmi les participants à la restitution publique de ces textes réalisés en atelier d'écriture, il y avait Lucie qui a accepté de nous faire entendre un extrait de son texte. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, comment s'est passé déjà ce stage ? Ça s'est très bien passé, même si ce n'était pas toujours évident de travailler sur des textes à la base personnels. Et il a fallu beaucoup vous dévoiler ? C'était la base de départ, mais oui, un peu. Et quel plaisir vous avez à écrire ? Un plaisir infini. Un plaisir infini d'écrire, mais là, ce stage était vraiment extrêmement intéressant, très enrichissant. Voilà, écrire sur du théâtre, je ne l'avais jamais fait. J'ai trouvé que c'était vraiment une super opportunité. D'habitude, vous écrivez ? Vous avez l'habitude d'écrire ? Oui, j'écris des petits textes pour moi-même, des petites histoires ou des haïkus. Et là, alors, vous allez lire vos textes ? Oui, on va lire une partie des textes qu'on a conçus et écrits pendant le stage avec Stéphane Hervé. Et vous avez préparé comment cette lecture ? Eh bien, il a fallu s'entraîner. Voilà, on trouve toujours qu'on n'a pas assez de temps. J'espère que le public appréciera le travail qu'on a fait. Il a fallu donner beaucoup de soi et je dois avouer que c'est difficile pour moi de monter sur une scène, de parler devant un public. Donc j'espère que ça va bien se passer, que tout le monde appréciera le spectacle. Oui, j'en suis sûre. Merci Lucie. Merci à vous. Cher moi, je pourrais te donner tout un tas de bons conseils pour ta vie future et peut-être que tu les écouteras. Comme par exemple, apprends à dire non, même à ce que tu es. Apprends à te détacher de ta mère et de son habit. Blinde-toi un peu pour moins souffrir. Prends de meilleures décisions. Écoute-toi, vraiment. Pas pour faire plaisir aux autres, mais pour faire réellement ce que tu as envie de faire. N'arrête pas d'écrire. Les raisons que tu inventes pour ne pas le faire ne changeront rien. Ça ne passera pas, alors continue. Continue au moins pour toi-même, ça t'aidera à t'améliorer. Prends soin de toi, car personne d'autre ne le fera. Et il y a des moments où tu le regretteras. Fais un enfant plus tôt. Et surtout, surtout, cesse de croire que tu te changeras. Fais les choses pour t'aider et non pour te changer. En réalité, on apprend, on évolue, on avance, on accepte, on s'améliore. On finit par utiliser nos faiblesses pour en faire des forces. Mais jamais, jamais, on ne change profondément ce que l'on veut. C'est comme courir après le vent. Même si on le rattrape, il nous échappe. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, que tu peux, tu n'auras jamais confiance en toi. Tu ne pourras pas non plus devenir insensible, et tant pis, c'est ainsi. Ne regrette rien. Tous les chemins que tu arpenteras t'apprendront des choses. Ils t'amèneront là où tu iras. Cela non plus, on ne peut pas le changer. Mais même si parfois tu en regretteras l'issue, même si tu t'en voudras de n'être qu'un être humain, ce sont tous ces chemins qui t'auront permis de toucher de plus près l'humanité qui est en toi. Maintenant, voici mon dernier conseil. Arrête de culpabiliser. Tu te fais du mal pour rien. Continue d'avancer, tout le monde s'en fout. Alors continue. Si tu ne m'écoutes pas, tant pis. Peut-être qu'un jour, tu t'écriras une lettre. Dernière chose, oui, il en reste une. Pense à mettre de la crème anti-rides un peu plus tôt. Si jamais on te propose une cigarette, refuse-la, refuse-la, refuse-la. Et place maintenant aux compagnies qui ont fait vivre la scène tout au long du week-end. On commence par une troupe que les auditeurs de Théâtral, etc. connaissent bien, les Noisy-Golos. Toujours fidèles à leur esprit comique et généreux. Je suis avec les quinquas des Noisy-Golos qui s'apprêtent à jouer. Alors, bonjour Laurent. Bonjour Catherine. Bonjour Valérie. Bonjour Cathy. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors, vous allez monter sur scène là, hein, dans très peu de temps. Alors, comment vivez-vous ce moment ? Oh, avec une grande frénésie. C'est quand même assez magique de monter sur les planches du théâtre Beaumarchais à Amboise. Là, il y a comme une effervescence depuis quelques jours qui nous va bien. Et toi Valérie ? Bien, pareil, excitée, on va dire, d'être sur scène, voilà, sur ce beau théâtre Beaumarchais d'Amboise. Et Sandra ? Eh bien, comme les copines, excitée et impatiente. Alors, votre pièce, Les Quinquas, qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah, on va parler de quête de l'amour après 50 ans. Et ce n'est pas une chose très facile pour trois quinquagénaires hein, qui ont toutes eu des expériences alors très différentes. Hein. Moi, je suis Pascale et Pascale a rencontré beaucoup d'hommes, mais malheureusement, elle se retrouve encore toute seule. Hein. Mais Pascale est un petit peu sérieuse, peut-être un petit peu trop, je ne sais pas. Voilà. Quant à mes copines, alors là, c'est autre chose, mais je vais les laisser parler. Valérie, tu joues quel rôle ? Alors moi, je joue le rôle de Laure. Je suis un petit peu plus posée que Madame Maggie et Madame Pascale, mais c'est moi, elles veulent me trouver un nouveau compagnon parce qu'hélas, mon mari est décédé et voilà. Donc elles veulent me trouver un autre homme. Donc elles font tout pour que ça se passe bien et donc ça va bien se passer, mais quelques surprises cependant. D'accord. Et Sandra ? Eh bien, moi, je joue le rôle de Maggie, qui est une femme assez libérée, qui n'est pas mariée, qui a connu beaucoup d'hommes, sans vouloir jamais s'attacher, et qui donne de bons conseils à ses copines. Bon, donc, nous aurons tous les secrets pour séduire après 50 ans, si je comprends bien. C'est ça. C'est bien ça, et puis surtout de nombreux conseils. Pour toutes celles qui cherchent l'âme sœur. Et puis en même temps, on dresse un joli portrait des hommes. Hein, mais c'est une façon, on va dire, élégante de dire les choses. Voilà, ou du moins des relations entre les hommes et les femmes. On en apprend beaucoup quand même, hein, mais c'est la vraie vie, tout simplement. D'accord, eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. Merci, et puis, merci. Bon spectacle. Merci. Place à présent à la relève avec les impros des Noisigolos, une troupe de jeunes comédiens pleins d'énergie et d'imagination. Je suis avec les impros des Noisigolos de Noiset qui ont fait une prestation lors du festival Carte Blanche de théâtre amateur d'Amboise. Et donc j'ai auprès de moi Harmonie, Corentin et Marcello. Ils jouaient à quatre, mais Clarence a dû partir pour des raisons personnelles. Donc bonjour tous les trois. Alors pourquoi l'improvisation ? En fait, on fait des impros depuis déjà très longtemps, donc on est un peu expérimenté dans ce domaine, on va dire. Donc c'est plus simple pour nous d'en faire. Oui, mais au départ, pourquoi vous avez choisi le théâtre d'improvisation plutôt que le théâtre classique ? Parce que dans les scènes qu'on fait, ça nous laisse plus de liberté. On peut évoluer sur la scène de la manière qu'on veut, en fait. On évolue avec nos amis, on crée des choses ensemble, et puis ça permet de créer des émotions qui n'arriveraient pas avec des pièces de théâtre qui sont déjà écrites. Et alors, comment ça se passe, le théâtre d'improvisation ? Déjà, il y a beaucoup moins de contraintes qu'avec le texte, et on va vraiment être à l'écoute de tous et suivre les idées pour nous amener à un résultat qui était totalement différent du début de la pièce. Oui, c'est ça, il faut être beaucoup à l'écoute. Oui, c'est ça. Et où vous trouvez vos idées ? La plupart du temps, quand on fait des spectacles, on demande au public, donc on demande un lieu. Et par exemple, imagine, ils nous donnent un aéroport, donc c'est un lieu qu'on a eu aujourd'hui. Et après, on leur demande une situation dans ce lieu, et ça peut être, par exemple, comme on est aujourd'hui, une bombe. Voilà, sujets qui ne vont pas vraiment ensemble, mais on essaye quand même, puis ça fonctionne la plupart du temps. D'accord, mais les personnages, comment vous les trouvez, en fait ? Alors, ça vient tout seul. Donc, à partir de l'idée, donc, il y en a un qui se dévoue pour commencer, avec une phrase, un geste, et puis les autres le suivent. Ça peut mener à des situations bizarres. Mais les personnages se créent naturellement, voilà, par nos idées, qui peuvent venir d'une seconde à l'autre. Et c'est de l'association d'idées, beaucoup. Et vu qu'on est tous à l'écoute, à la fin, ça donne un bon résultat, souvent. Et est-ce que vous avez un code pour vous dire, entre vous, là, il faut qu'on termine ? En fait, on en fait depuis très longtemps du théâtre, donc en fait, ça y va au feeling. C'est, on sent que quand on n'a plus trop d'idées, on s'arrête, on trouve une fin, et puis la plupart du temps, ça fonctionne bien. Oui, vous vous connaissez bien. Ça fait combien de temps que vous faites du théâtre ? Ça fait 8 ou 7 ans. Et vous êtes combien dans la troupe ? Parce que là, aujourd'hui, vous étiez 4, mais vous êtes plus nombreux, je crois. On est 7. Vous voulez ajouter quelque chose pour les auditeurs ? On remercie tous ceux qui nous ont accompagnés jusque-là. Oui, Sandrine, Laurence et Giraud, oui, et Caro, sa femme, qui nous a appris tout ce qu'on sait jusqu'ici. Corentin. Et puis aussi avec nos anciens profs, un prof qu'on est pendant très longtemps, Mohamed Belhassen, que je tiens à remercier, parce que c'est grâce à lui qu'on a aimé le théâtre et qu'on a réussi à progresser beaucoup. Merci. Autre ambiance, autre univers avec le théâtre de la Nouvelle Lune, qui nous a proposé une mise en scène plus poétique et plus introspective. Je suis en compagnie du théâtre de la Nouvelle Lune de la Ville aux Dames avec Jean-Christophe et Patrice. Et ils vont jouer donc au festival Carte Blanche à Amboise. Ils vont jouer Renata et Jean-Christophe est le metteur en scène et Patrice un des comédiens. Alors bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors Jean-Christophe, tu peux nous parler un peu de la pièce ? Oui, donc on a la chance de jouer cet après-midi au Théâtre Beaumarchais Renata. Renata est une adaptation d'une pièce argentine qui s'appelait René, qui était adaptée longtemps à Paris. C'est une comédie avec beaucoup d'émotions sur une sombre histoire d'héritage que veulent récupérer quatre domestiques d'un patron juif argentin qui est hélas décédé, Théo Goldenberg. Voilà, et donc ils vont trouver un subterfuge pour essayer de récupérer les actes de la maison dans lequel ils œuvraient jusqu'à maintenant et également toutes les liquidités. Et alors, comment s'est passée la mise en scène de cette pièce ? Dans la bonne humeur, d'une part, parce que ça reste une passion pour moi et pour les comédiens qui m'accompagnent. Et beaucoup de travail, effectivement, parce que le théâtre, c'est un engagement qui prend du temps. Et tous les cinq, ils s'y sont vraiment donnés sur un sujet qui n'est pas si facile, où on aborde au-delà de la comédie un sujet actuel qui est la notion de genre et de transformation. J'en dis pas plus pour les gens qui aimeraient voir cette pièce. Mais voilà, sur un sujet qui donne beaucoup d'émotions, plus la pièce avance. Voilà, je vais pas spoiler, mais... Et c'est toi qui as choisi la pièce ? Oui, c'est une pièce qui allie à la fois des choses importantes pour moi, pour un public, pour moi d'une part, mais pour une sensation publique qui est de ne pas laisser un public indifférent, soit dans le rire étant une émotion importante au théâtre, mais aussi dans des choses plus fortes qui peut nous... La sensibilité du spectateur est importante. Donc le but, c'est le spectacle vivant doit nous donner ce genre d'émotions et c'est une pièce qui pour moi allie les deux. Oui, et puis transmettre un message, quoi. Exactement. Et alors, comment t'abordes une mise en scène ? Tu réfléchis avant de voir les comédiens ou... Oui, j'essaye effectivement dans le choix de la pièce d'adapter aux comédiens. Les comédiens sont, comme j'ai l'habitude de dire un peu fortuitement, une boîte à outils. Les gens sont déjà une part du rôle. Un détour à présent du côté des jeunes de la troupe des Comédouins. Alors je suis avec les Comédouins de Saint-Ouen-les-Vignes. Ce sont les jeunes théâtreux de Saint-Ouen-les-Vignes qui viennent de faire une prestation, de présenter trois scénettes. Alors déjà, ils vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Rose de Souza Pinto. Bonjour, je m'appelle Léa Lenné. Bonjour, je m'appelle Hermine de Souza Pinto. Bonjour, je m'appelle Emma Taverne. Bonjour, je m'appelle Noémie Taverne. Bonjour, je m'appelle Elian Brandilli. Alors bonjour à tous. Donc vous venez jouer trois scènes de quel auteur ? De Jacques Morin, du coup. Et alors, vous pouvez nous en parler ? Eh bien, du coup, c'est du théâtre de l'absurde. Donc c'est un peu un théâtre sans queue ni tête. Et le but, c'est de jouer avec son corps pour aller au plus haut de ce qu'on peut faire. Et oui, de jouer des textes complètement renversés. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre ? En fait, on s'amuse et du coup, c'est ça qui nous plaît un peu. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui aiment l'adrénaline d'être sur scène. Voilà. C'est quoi l'adrénaline ? On ressent une grosse boule au ventre et puis on est excité. Et puis, sur scène, on s'épanouit. Voilà. Puis le théâtre, c'est comme une vraie famille. On est très, très soudés tous ensemble. Et oui, on partage vraiment des liens forts. Ouais, et puis, se libérer la tête, de pouvoir être complètement différent de la vie de tous les jours, de changer complètement de personnalité parce qu'on joue un personnage, ça libère. Pouvoir s'exprimer aussi, c'est... Même sur scène et tout, on se libère aussi, comme l'a dit Noémie, et c'est vrai que ça soulage. Moi, j'aime bien quand on improvise. Des fois, on oublie, mais c'est drôle parce qu'après, les comportements des autres, ils sont drôles, donc j'aime bien. T'aimes bien les surprises ? Oui, exactement. Et est-ce que c'est vous qui avez choisi les textes, là ? Ça dépend des années. Donc, le théâtre qui rend fou, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup tenté. Après, saison précédente, la toute dernière, on n'avait pas choisi, mais ça nous a tout de suite plu. Et cette année non plus, voilà. C'est pas nous qui choisissons, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez encore envie de dire ? C'est quelque chose qui nous rassemble et qui, je pense, va durer extrêmement longtemps parce qu'on a tissé des liens entre nous et que c'est ce qui compte le plus, je crois, de tous s'amuser ensemble comme une grande bande de copains, en fait. Et est-ce que vous voulez en faire un métier ? Non, mais un grand passe-temps. On sera très heureux, je pense, de tous vivre. Moi, je préférais pas en faire un métier, mais plutôt un loisir. Comme les autres, enfin. Moi, je pense à un loisir, mais ça sera pour me détendre aussi, mais je continuerai. Mais oui, pas forcément un métier directement, enfin pas forcément directement comédien, plus dans les métiers qui relèvent, oui, du théâtre, etc. Oui, pourquoi pas, mais après, être comédien, je pense que c'est plus quelque chose à côté pour justement se détendre du boulot parfois, ça fait plaisir. Et personnellement, plus un loisir pour échapper un peu à la vie en général. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai pu tendre le micro à la compagnie Rêves en Liberté qui a présenté Les Poupées Anciennes, une pièce pleine d'humour écrite par Catherine, qu'on entend décidément beaucoup dans cette émission, et qu'elle interprète aussi sur scène. Nous sommes en compagnie des Poupées Anciennes, donc avec Christine, Véronique et Catherine, respectivement interprétant les rôles de Philomène, Germaine et Rosie. Les filles, alors cette expérience-là, a posteriori, ça y est, c'est fini, c'est passé, vous respirez, vous êtes satisfaite, Catherine ? Oui, oui, très satisfaite. Déjà, c'était un plaisir de jouer dans ce magnifique théâtre d'Amboise avec un accueil vraiment très chaleureux de l'équipe culturelle de la municipalité. Et puis, ben, on s'amuse de toute façon quand on joue, on s'amuse et le public a bien participé. Il a chanté, il a respiré, il a ronflé. Donc, voilà, je sais pas, Germaine, comment dire, Véronique. Je suis très heureuse d'avoir pu jouer dans ce beau théâtre, en fait. Et puis c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir, hein. Voilà, en chantant, en jouant. Ouais, de vraies performances vocales. Voilà, en fait, il y a trois performances, hein, si on peut dire ainsi. Vocale, musicale, théâtrale, donc c'était chouette. Christine, vous avez trouvé que le public était réceptif, vous aussi ? Alors, je l'ai fait se lever et tout de suite il s'est levé. Et franchement, un très très bon accueil de la part du public et très réceptif. Donc ça, c'est un plaisir de jouer quand on sent une réponse immédiate à nos sollicitations. Et de plus, je dois avouer que le théâtre en lui-même, avec les projecteurs, la mise en scène, ben, tout ça, ça nous porte. Le public, les projecteurs, tout était vraiment parfait. Un grand merci à la municipalité. Ouais, c'est une initiative qui est à renouveler, selon vous, ce festival Carte Blanche ? Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Pour aussi permettre à beaucoup de gens de venir au théâtre déjà, puisque tout est gratuit. Hein. Et donc, je pense que ça peut encourager certains, puisque tout le monde n'a pas toujours les moyens d'aller au théâtre. Et puis, il y a une bonne ambiance aussi entre les troupes. On déjeune ensemble, on échange. Ça permet aussi, oui, de connaître les autres troupes de la région. Non, c'est très, très sympa. Vraiment très sympa. Il y a eu des échanges intéressants avec les autres troupes, notamment sur les moments off. Durant le repas, oui, on a discuté un petit peu, voilà. Bon, on a appris à se connaître parce que c'est vrai que nous ne les connaissions pas du tout. Mais enfin, voilà. Par contre, on n'a pas trop dévoilé le contenu de notre pièce, voilà. Donc maintenant, on va découvrir la leur. Et vous pensez que justement, ce type de manifestation, ça peut encourager les troupes à se rapprocher et pourquoi pas à penser des projets en commun ? Ah, pourquoi pas ? Mais on n'est pas du tout sur le même registre. Par contre, il faudrait trouver un point commun. En tout cas, là, il y en a un, puisqu'à 17h va se jouer la pièce « Liberté, égalité, féminité ». Et là, on est en plein dedans. Ah, c'est eh bien, merci les poupées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Radioactive. Enfin, nous avons rencontré le théâtre Auguste Mimesis, dont le travail corporel et expressif a séduit le public. Une belle rencontre à découvrir tout de suite. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, ben, je me présente face à vous. Et si mes yeux vous voient, vous... Ah, je vois très bien vos yeux, mais elles ne m'indiquent pas votre nom. Bruno Dufour. Bruno Dufour. Ou l'inverse. Dufour, Bruno. De la compagnie ? L'Auguste Mimesis. Donc, qui se produira tout à l'heure ? Tout à fait, on joue à 17h. Je ne sais pas quelle heure il est vraiment, mais 17h. C'est la première fois que vous participez à un festival de théâtre amateur comme ça, dans des conditions professionnelles ? Non, c'est un théâtre amateur, donc ça ne veut pas être professionnel. Et puis, non, on doit être à nous notre 16e ou 17e représentation ce soir. On joue beaucoup. Parce qu'en fait, on traite un sujet d'actualité qui est contre les violences faites aux femmes et malheureusement qui est d'actualité. Donc on va jouer encore un certain temps. tant qu'on pourra dénoncer, on le fera. C'est une très bonne chose. Cette initiative de la ville d'Amboise, c'est appréciable ? Ah, c'est vraiment bien. Lionel Chisson, là, qui est le joint à la culture, qui nous a soutenus. Okay, on a beaucoup discuté au début. On a fait quelques réunions de travail. Et il a pu mettre en place ce festival. Et moi, je trouve que c'est très, très bien. Plus il y en aura, mieux ce sera. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, bonne journée à vous. Au revoir. Et mes yeux vous regardent. Très bien. Ce week-end au Théâtre Beaumarchais a montré combien le théâtre amateur avait de ressources, de voix, de textes, d'idées et surtout de cœur. Une première édition du festival Carte Blanche qu'on espère voir perdurer et s'étoffer d'année en année. Merci à toutes les troupes, aux organisateurs et bien sûr au public qui a répondu présent. À très bientôt sur les ondes de Radioactif pour de nouvelles aventures culturelles et théâtrales.